Les parents de Rose furent charmés d'apprendre le secret de leur fille aînée. Ils ménagèrent cependant son aimable confusion et la laissèrent tout à son aise donner un presque démenti à sa jeune sœur. Mais dès le même soir, M. Pombelin alla voir Maître Mollet pour lui apprendre que leur projet était en bon train de réussir. Il ne s'agit plus, ajouta-t-il, que de voir si la conduite présente du jeune homme est bien assurée. « Je vous en réponds, dit Maître Mollet, mais cependant faites toutes les épreuves que vous jugerez à propos. Je vous seconderai, et je vous engage ma parole d'honneur de ne vous pas trahir. » Le lendemain, le jeune R fut reçu avec encore plus de cordialité que de coutume par M. Pombelin. Ce bon père de famille lui parla pour la première fois de ses desseins pour l'établissement de ses filles. « Mon ami, lui dit-il, depuis que j'ai reçu de la nature le titre de père, j'ai donné toute mon attention à en bien remplir les devoirs d'abord. Et tant que mes enfants n'ont pas eu besoin du secours de leur mère, j'ai fait mes affaires pour les mettre au-dessus de la nécessité. J'y ai réussi, grâce au ciel. Et les deux filles qui me sont restées de 6 enfants auront une dot honnête. À présent que les voilà grandes d'autres soins. » J'ai en leur faveur étudié le cœur humain depuis longtemps, et surtout la trempe du caractère des gens de la ville. C'était l'étude la plus nécessaire, puisqu'elles en sont citoyennes, et qu'elles doivent s'y fixer. Cette étude, mon ami, m'a amené à une triste découverte. C'est que le mené à la ville n'a jamais la solidité de l'homme né à la campagne. Il est futile, comparé à ce dernier, en dépit de tous les soins. Il faudrait, pour le rendre tel qu'il doit être, un homme le regreffer à la campagne, pour ainsi dire, en l'y élevant depuis sa naissance, jusqu'à 15 à 20 ans, selon qu'il serait ou tardif ou précoce. On recherche les causes de la corruption des Romains et du bouleversement de la République. Il n'y en a pas d'autre que l'abattardissement et l'effémination des races romaines à la ville. Tant que les jeunes patriciens travaillèrent à la terre, ils furent vertueux, et comme le disait très bien un jour M. Mollet, l'homme, exempt des passions de conservation, se livre tout entier aux passions de luxure en tout genre, ou d'ambition, ou à toutes ensemble. J'ai encore fait une autre remarque, plus politique que morale. C'est qu'à mesure qu'elles vieillissent, nos anciennes maisons de commerce perdent de leur activité, j'oserais même dire de leur probité, plus encore que de leur industrie. Et cela est naturel, mon ami. Perdant de leur activité et leurs besoins de luxe croissant, il faut nécessairement qu'elles perdent de leur probité. J'en ai inféré de bonne heure qu'un père de famille, s'il est sage, portera ses fils à un autre genre de vie que le sien, afin de croiser les occupations comme on croise les races pour les perfectionner, et que lorsqu'il s'agira de ses filles, il rafraîchira pour ainsi dire l'espèce humaine, en ne leur donnant pour mari que des jeunes gens de province, actifs, laborieux, économes, vigoureux, sains de corps et d'esprit, c'est-à-dire sans travers dans le dernier, et sans défaut dans l'autre. Quand ces jeunes gens n'auraient rien, s'ils savent bien choisir, leurs mœurs et leur activité sont d'une excellente dot. J'en ai vu des exemples chez des pères de famille qui sont dans mes principes, et ces maisons sont aujourd'hui opulentes. Mais si les pères mettent leurs fils dans le même état, l'indolence va succéder. S'ils marient leurs filles à des citadins, je ne donne pas 3 générations avant que tout n'ait dégénéré. On m'objectera que les gens des villes ne trouveront donc pas d'épouse. Je voudrais bien pouvoir dire qu'on devrait faire un échange et leur donner des filles de province, et nous, parisiennes, aux jeunes gens de la campagne. Mais malheureusement, cela n'est guère praticable. Que feraient nos parisiennes à la campagne? Elles y languiraient. J'en ai connu 2 qui, mariées dans votre province, n'ont pu s'accoutumer ni à la solitude ni aux manières de leur mari, et qui sont mortes en langueur. Elles sont d'ailleurs incapables de tous les détails rustiques et ne seraient pas même commandées. C'est donc le cas de dire « sauf qui peut ». Je ferai pour ma famille ce qu'il est impossible à tout le monde de faire. Je n'entrerai pas dans ces détails avec un jeune homme moins modeste que vous, monsieur Rétif. Je préfère pour mes filles un parti de province, et surtout de campagne, avec rien, un Parisien qui aurait un établissement considérable. » Monsieur Pombelin crut s'être suffisamment expliqué par ce discours, et pour faire encore mieux entendre à Edmond que c'était la belle Rose qu'il lui voulait donner, de ce jour, il n'eut plus qu'elle pour écolière. On envoya Eugénie passer quelque temps chez une de ses tantes, nommée Madame de Varipon, qui venait de perdre son mari, et dont le fils unique était alors absent. Malgré les fréquents tête-à-tête des 2 amants, Edmond fut 2 mois entiers sans parler de sa tendresse. qui pourtant était extrême. Mais la distance que la fortune mettait entre lui et la demoiselle le rendait timide, outre une certaine pudeur naturelle qui ne lui permettait pas d'ouvrir la bouche sur ses sentiments. Mais il était tendre et respectueux envers le père et la mère, et il marquait à Rose une estime, un attachement, un dévouement si parfait que ce langage devint assez clair pour M. Pombelin. Il ne le précipita cependant rien, et se voyant sûr d'un jeune homme sans fortune, il étudia la marche de l'impétueuse passion de l'amour dans une âme honnête et neuve. Rien n'était si agréable pour ce père observateur. Rose, la fière Rose, subjuguée par le mérite d'Edmond, avait la satisfaction de conserver encore une apparence de liberté, et se trouvait parfaitement heureuse. Edmond, enivré d'amour, seul à seul avec une beauté ravissante, donnait à sa voix naturellement douce des inflexions plus douces encore. Chaque mot, les mots les plus indifférents, exprimait un « je vous aime » par la manière dont ils étaient dits, par le regard timide et respectueux qui les accompagnait. Une douce familiarité, dangereuse avec tout autre amant, s'était établie entre Rose et Edmond. Ils commençaient à se sourire d'intelligence quand un tiers parlait. Edmond était déjà en possession de rendre à sa maîtresse 1000 petits services qui sont le lot des préférés. Elle lui commandait avec confiance, il lui obéissait avec liberté, quoique avec un peu de précipitation. Les choses en étaient là quand Eugénie revint à la maison paternelle. Elle examina en silence les deux amants pendant quelques jours, au bout desquels elle dit à sa sœur « Ma chère Rose, je vais te faire une confidence. Je l'entendrai avec plaisir, ma bonne amie. C'est que j'ai aussi un amoureux. » « Aussi, ma sœur ?»« Oui, c'est mon cousin de Varipon. Il m'a fait sa tendre déclaration la veille de mon retour ici. Je ne lui ai pas encore répondu, mais je crois que je puis lui répondre. Vous voilà d'accord, monsieur R et toi, ainsi je suis dégagé de la parole que je lui avais donnée. En vérité, ma sœur cadette est d'une pénétration singulière. Vrai, ma chère aînée ? Allons, j'en suis bien aise. Mon papa m'a dit hier en parlant de mon cousin qu'il le trouvait bien formé, bien raisonnable, et qu'il n'était plus du tout parisien. Ainsi je vois que mes sentiments ne lui déplairont pas, et nous serons toutes deux heureuses, n'est-ce pas ? » La belle Rose rougit et ne répondit rien. Edmond entra, car la petite maligne avait eu soin de ne commencer cet entretien qu'à l'heure où il avait coutume de venir à la maison. « Ah, vous voilà bien à propos. Vous savez ce que je vous ai dit un jour ? Vous m'avez fait l'honneur de me dire bien des choses, mademoiselle. Ah, vous rusez. Je veux dire la chose que vous n'avez pas oubliée, sûrement malgré votre air modeste. » « Non, mademoiselle, je ne l'ai pas oublié, et je ne l'oublierai jamais. »« Oh, vous le pouvez passer aujourd'hui, vous le pouvez, entendez-vous » »« Aurais-je eu le malheur, mademoiselle ?»« Non, vous n'avez pas eu le malheur, le contrefaisant, mais bien le bonheur de n'avoir pas besoin de ma générosité. »« Comme vous voilà tous deux, en vérité, il me semble que je vous apprenne une nouvelle. »« À moi du moins, mademoiselle, dit Edmond. »« À la bonne heure, mon retour aura donc servi à quelque chose. » « Ma sœur n'en est pas devenue plus sérieuse, monsieur, dit Rose, pour avoir passé un si long temps avec la femme la plus raisonnable de Paris et la plus affligée. Gage que vous ne vous êtes pas encore dit que vous vous aimiez. Allons, tenez, il faut vous le dire, là, devant moi, car ma bonne vérité, il n'y a rien de si vrai. » Edmond palpitait de plaisir, mais Rose était en ce moment la plus belle des roses. « Vous voilà, Eugénie, tu vois bien, ma sœur, que ce que tu dis là... » Et on ne peut plus étourdi, et je ne sais en vérité en quelle opinion M. Edmond va prendre de toi. Oh, je le sais bien, moi, l'opinion d'une personne franche qui le veut servir et qui lui épargne bien dans l'embarras. Je suis sûr qu'après toi, il m'aime de tout son cœur. » À ce mot, Edmond ne put y tenir. Des larmes de joie roulaient dans ses yeux. « Oh, vous l'avez dit, mademoiselle, s'écria-t-il. Dieu, quelle famille aimable, et quel est mon bonheur d'en être estimé. J'honore M. Pombelin à l'égal de mon père. C'est le plus sage et le plus respectable des hommes. Je ne saurais dire à quel point je l'aime et le révère. Madame Pombelin est pour moi l'image d'Anne Simon. Et si vous la connaissiez, mesdemoiselles, vous sauriez que c'est un grand éloge. Pour vous, fille charmante, je m'abstiens de vous louer. Vous êtes la perle de votre sexe. Fasse le ciel que vous soyez autant heureuse que vous le méritez. Mais si jamais il devait y avoir quelque chose de ma part, je voue à l'une de vous tous les sentiments respectueux et tendres, à l'autre une si vive et si efficace amitié qu'elle ne se repentira jamais de ses bontés. « Ah, voilà donc une déclaration !» s'écria Eugénie. « Elle est un peu neuve, ou plutôt un peu antique, mais je suis assez contente de ce qui me regarde. Et vous, mademoiselle ?» Monsieur parle en honnête garçon, et son discours est sage. Quoi qu'il réponde à vos folies, ma sœur, dit Rose en rougissant. Et voilà que tu y réponds aussi, s'écria Eugénie. Allons, à présent que vous êtes amant déclaré, et presque mari et femme, faites-vous l'amour que j'apprenne, moi, qui suis la cadette, dites-vous de bien jolies choses. Pas des fadeurs. Vous ne manquez d'esprit ni l'un ni l'autre. Je n'aurai qu'à suivre mon cœur, mademoiselle, répondit Edmond, pour adresser à votre aimable sœur les choses les plus. Mais j'aime mieux les renfermer respectueusement. Un plaisir qui coûterait à sa modestie cesserait d'en être un pour moi. Ah, Rose, voilà l'amant qu'il fallait à ta charmante dignité. J'espère, par ma conduite, reprit Edmond en s'adressant à Rose, si vous daignez le permettre, mademoiselle, exprimer mieux que par mes discours des sentiments solides et durables. Je ne demande à être encouragé que par un seul regard d'approbation. Rose baissait les yeux sans répondre. C'est le moins que cela, dit Eugénie. Alors cette charmante fille leva ses beaux yeux sur Edmond, et lui tendant la main, elle lui dit « Vous êtes le choix d'un père que j'aime et que je respecte, autant que vous respectez le vôtre. C'est de lui que vous apprendrez mes sentiments, s'il veut bien en être l'interprète. » Monsieur et Madame Pombelin entrèrent pour lors auprès de leurs enfants. Ils expliquèrent clairement à Edmond leur vue sur lui, et lui proposèrent la main de Rose. Après avoir reçu les témoignages de sa reconnaissance, Monsieur Pombelin ajouta « Écrivez à votre père, je n'attends que son aveu. » Il y avait alors 2 ans et demi qu'Edmond était dans la capitale, et il allait atteindre sa 20e année. Il ne lui vint pas même dans l'esprit de douter qu'un établissement aussi brillant que celui qu'on voulait lui faire souffrit le moindre retard de la part de ses parents. Il se trompait. Aussi est-ce dans la conduite qui va suivre qu'Edmond a été un modèle parfait de piété filiale. Pierre Rétif, son père, n'était jamais sorti de sa province. Il avait de la capitale, surtout, les idées les plus étranges. Et, malheureusement, il y avait été confirmé par la lettre que Mademoiselle Mollet lui avait fait écrire pour qu'il refusât son consentement au mariage projeté avec elle. Il se cacha dans cette circonstance de M. l'avocat Rétif, ami de Maître Mollet. Dès qu'on eut reçu à Nitry la lettre d'Edmond, accompagnée d'une autre de son procureur, on le crut perdu, trompé, victime de quelque arrangement honteux et déshonorant. Pierre, qui croyait son fils moins obéissant et déjà corrompu, prit pour le faire revenir sur le champ un moyen qu'il regarda cependant comme immanquable. Ce moyen l'était, mais on n'en avait pas besoin, et peu s'en fallut que ce trop de précaution ne nuisît à leur plan. Edmond, en apprenant qu'on le mandait pour recevoir les derniers soupirs de son père, s'évanouit, et son départ fut retardé d'un coche. On ne voulait pas même le laisser partir, qu'on eût écrit et reçu une réponse de M. l'avocat Rétif. Le procureur, à qui sa fille avait avoué la lettre depuis son mariage, avait quelques soupçons. Mais Edmond ne connaissait pas de retard en pareil cas. Il partit mourant, comblé d'amitié de M. Pombelin, et regretté de Rose, à laquelle on lui permit d'écrire, en commandant à cette jeune personne de lui faire réponse.